Allez, vous êtes bien installés chez vous à Radio Dion. Saturation excessive de mon café de décibels, avec leur musique de merde qui passe en boucle sur les radios. Je dis chante à l'écoute de leur tube pour sortir des poubelles. Je ne suis sûrement pas un génie. Ouais, mais notre soupe n'a pas de goût d'eau. Dorénavant, ma section va pirater ton système. Massive attaque, sort par le mousse qui ramasse et ULN. Oui, pas comme tous ces rats qui jouent avec les artistes qui les formatent, pas seuls fabriques. Je sais pas, vous, moi, ça me rend triste. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi un micro bien inséré. Je ne vais pas vous faire pleurer avec la liberté de penser. Foutaine, j'emmerde les pauvres Afriques qui râlent parce qu'on leur pique leur dope sur internet. Y'a plus que le flou, ce qui les excite. Le sort des intermittents, ils n'en ont que faire. Pourtant, tout le monde n'est pas Johnny. Contre Sarko, sa femme, leur mère. On préfère s'afficher dans les concerts de charité. Rien à dire sur la cause, mais si la pub que l'on vient chercher. Le gouvernement persiste, dit on y va par les bas. Quoi, continue à financer des créations qui ne rapportent pas. Vous êtes la copie conforme du programme du FN. On baïonne les opposants, coupons leur vie, plus de problème. Il est clair que la Starac, nouvelle star et compagnie, c'est gentil, cela rapporte. Pas de soucis, ça fait pas de bruit. La pauvreté d'esprit fait recette. Je n'en puis plus, mais fais pour l'obscurantisme, parce que l'absence de culture tue. C'est pas le mousse, c'est mousse dans ma section. Sors pas le mousse, y'a des mousses dans ma section. Fais pas le fou, j'ai pas les pouces sur la version et piston. T'es comme un kiston, pas sur la piste et on pisse sur ton piston. Sors pas le mousse, y'a des mousses dans ma section. Fais pas le fou, j'ai pas les pouces sur la version et piston. T'es comme un kiston, pas sur la piste et on pisse sur ton piston. On pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston, on pisse sur ton piston. Vous êtes sur Planète Rap, vous êtes sur Radio Dio. Bonsoir, ici c'est Red Bong. À te faire foutre. Mais. Ça va dans le studio, faites du bruit. Parce qu'on est à peu près bonne quarantaine maintenant, hein, depuis le début du morceau. C'est vraiment la folie, mais. Après, ça manque de. Ils n'ont pas les jambes quand même, il n'y a personne qui a les jambes. Les gens n'ont pas les jambes dans le studio, c'est après, ça. Ça manque de femmes, c'est ça. Ça manque de femmes, disent-ils. Ça manque de femmes. Non, ce qui manque surtout, c'est qu'il manque un peu que vous travailliez le foncier, les gars. Hein. Vous mettiez un petit peu un vrai sport qui. Déjà, un on, peu a on a récupéré Danou quand même. Un morceau pour tous les fans de vélo. Ce morceau est bien entendu dédicacé à mon père. Salut, et papa. 3 et 4 et jamais premier. Toujours en seconde zone, le groupe en développement. Inconnu de l'hexagone qui cherche sans cesse à accrocher le bon wagon. Qui met tout à droite, gros plateau et puis pignon. Un groupe de baroudeurs habitués, des coups d'éclat. Mais quand ça flingue dans tous les sens, ça finit dans la bamba. Aucune classe, aucun style et surtout trop laid. Trop vilain. Ils se mettent toujours en danseuse ou dans la voiture balai. On a beau, on a beau avoir recours au dopage. On n'est pas à l'abri du vent et des dérapages. Et pas les reporters d'où on fait le métier. Mais on est rarement au niveau, alors on s'accroche. Faut pas finir à la nuit, être en télé et passer pour des abrutis. T'inquiète, tu nous verras peut-être dans le final. Pour arriver au sommet, on en garde sous la pédale. Et hip, hop, boulidor, boulidor. Tu crois que tu vas percer, eh ben non c'est mort. C'était les hip, hop, boulidor, boulidor. Pour nous la cuire en bois, pour eux la médaille d'or. Hip, hop, boulidor, boulidor. Tu crois que tu vas percer, va niquer tes morts. C'était les hip, hop, boulidor, boulidor. Les éternels second du rap. Et encore. C'est pas gagné, je te le dis. Ouais, on a bien. Petite fringale. J'emmène de la bagasse, mais on a pas de 36. Je suis un bas cassé, enrhumé par MC Onctil. On n'est pas des pédales, nous on va lui sucer la roue. Oh merde, la fringale sur le chapé, j'ai un coup de mou, je suis cramé. Parce que je me suis trop dépouillé. Je fais que mouliner, j'ai pris un coup de but et j'ai rouillé. Pourtant, j'en connais un rayon sur la petite reine des pommes. Je suis aux fraises et c'est ça qui me peine. 10 ans de carrière, mec, et 10 ans de peloton. Les losers magnifiques du rap, une belle bande de cons qui y croient encore, qui vont niquer la voiture palais. Alors que dans le groupe Eto, c'est nous les teubés, ouais. Ce film pas un film sur le cyclisme, c'est l'histoire d'une équipe rien masochiste qui court contre la montre tout au petit braquet et à qui le monde de la zik met des taquets. Hip hop, boulidor, boulidor. Tu crois que tu vas percer, eh ben non, c'est mort. C'est les hip hop, boulidor, boulidor. Pour nous la cuire en bois, pour la médaille d'or. Hip hop, boulidor, boulidor. Tu crois que tu vas percer, on t'a dit que c'est mort. C'est les hip hop, boulidor, boulidor. Les éternels second du rap. Et encore, vous dire. Ils sonnent à la peine aux deux concurrents invalés qui le sont par le groupe Eto. La voiture balai va les rappeler à l'ordre. Oh là là là là là là là. faut dire. Faudrait qu'on aille mollo sur le pot belge. C'est pas compatible d'allier le foncier à la neige dans le camion. Docteur Mabuse est au petit soin. Deux pilules, quatre bières, trois buvards et un petit joint. Ça aide, surtout avant d'entrer en scène. Pour avoir les jambes et être saignant comme une poulet. J'ai de la peine, mais je sais bien malheureusement qu'on sera jamais maillot jaune pour l'arrivée sur les champs. Le beat frappe, on se tape toutes les tapes en danseuse en dents. Si notre carrière est plus que laborieuse. J'ai pris un coup derrière le casque de DJ. On ambiance pas les gadgets, on emballe pas les gadgets. Dégage, on met tout à gauche, on est dans le rouge. Calé dans l'autobus, si tu t'emmerdes, vas-y bouge. Pas de blues, quand un leader nous charge des pots, on lâche pas. On est là, c'est nous, allez, poupon. Hip, hop, Poulidor, Poulidor. Tu crois que tu vas percer, eh ben non, c'est mort. C'est les hip, hop, Poulidor, Poulidor. Pour nous la cuillère en bois, pour la médaille d'or. Hip, hop, Poulidor, Poulidor. Tu crois que tu vas percer, bah va niquer tes morts alors. C'est hip, hop, Poulidor, Poulidor. Les éternels secondes du rap. Et encore. Chute, chute à l'arrière. Divisé pour mieux régner. Red Bang. C'est. Ça va, Dim, c'est bon? Et vous? Ça va, passe nickel. Ça va, les gens? Ouais. Je parlais aux gens qui écoutent la radio, les gars. Oh, merde. Putain. Toujours allez, dit au 495. Toujours maintenant. Red Bang encore. T'as envie de raconter une histoire. Ouais. Ouais. Vas-y, raconte. Vous êtes toujours avec Red Bang, bien sûr. Laissez-nous vous conter l'histoire d'une ville nommée Hamelin, au bord de la guerre civile. Ici le chaos règne, c'est la loi du plus fort. Les émeutes se multiplient car personne ne s'en sort. Plus d'autocensure, les gens sont censés, c'est fini. L'altruisme est une valeur morale que tu renies. Toxicomanie, tyrannie, pyromanie. Le maniaque qui sommeille en toi revient à la vie. Hamelin est sans dessus dessous. Et face à cette situation et sans le sourd, c'est ainsi qu'il décide pour sortir de cette impasse. D'accepter l'aide d'un homme, paraît-il. Et porté par la masse, ce petit leader d'une majorité silencieuse. Il sans aucun heurt à l'aide de formules accrocheuses. Il va rétablir la paix, il sera plébiscité. S'il réussit, il deviendra chef de la cité. Préférer le son du tambour attiré par les trompettes de la renommée. Sortir les violons, jouer de la musique aux sourds. Au secours, la graine de la haine a germé. Le soir flûte, préférer le son du tambour attiré par les trompettes de la renommée. Sortir les violons, jouer de la musique aux sourds. Au secours, la graine de la haine a germé. L'homme calmement s'affairer sa tâche. A gagner la confiance du peuple, telle était sa tâche. Sacha qui n'est pas toujours aisé de comprendre quelqu'un dont le discours est biaisé. La récupération des idées les plus populistes. Personne ne peut lutter contre un tel talent de flûtiste. Il pipote, il le sait, il s'en fout. C'est comme ça qu'il arrive à ses fins. Ils ont faim. En somme, sa tactique, c'est dire au peuple ce qu'il veut entendre. C'est ainsi qu'on réduit l'opposition à l'état de forme et qu'on obtient l'adhésion de gens quasi désabusés. Le peuple de Hamelin est désormais fanatisé. Mais les dirigeants s'aperçoivent de leur erreur. Ils ont créé un monstre. Tu n'étais qu'un leurre. Donner tout pouvoir à cet homme qu'on fait au suicide. Revenir sur sa promesse, la seule chose lucide. Le soir de flûte, préférer le son du tambour attiré par les trompettes de la renommée. Sortir les violons, jouer la musique au sourd. Au secours, la graine de la haine a germé. Le joueur de flûte, préférer le son du tambour attiré par les trompettes de la renommée. Sortir les violons, jouer de la musique au sourd. Au secours, la graine de la haine a germé. L'homme se sent trahi par ses bourgeois incultes. Donc le peuple est vous un véritable calculs de l'épsule. Tous ces hypocrites vont payer. Barrer son ascension. Ils peuvent toujours essayer de l'empêcher de parler, de gronder, de parler. Un nouvel amelin propre comme un sol carrelé. C'est carré, concis pour la suprématie des classes dominantes. Fini la démocratie à la jeunesse, aux enfants. Il fait les yeux doux. Il a sorti sa flûte et s'impose comme leur gourou. Ainsi secondé, il prie amelin par la force. Et la ville se vide d'un don de sa propre farce. Forcément tous fait la main en l'air. Les clones parient à l'attaque. Il prône la gloire de son trône. Les droits fondamentaux ici on dit ciao. Paradoxalement l'ordre enchanterait le chaos. Chaos, chaos, chaos, chaos. C'est beau. Poésie, poésie quand tu nous tiens, hein. Watch out. Hey, hey. Quelle ambiance, quelle folie. Ce morceau, tu peux introduis ton morceau. Ben comment dire, en ce moment, j'aime pas les gens. Ouais, c'est un peu ça. À part toi peut-être, Crayon, ça, ouais. Ça passe. Et encore. Et Dim. Ah, quel lèche-cul. Bon, Nico, tout le monde. Allez, c'est bon. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. Intro. Quand tout est gris, quand tout va mal, quand la frustration nous tiraille, on en veut aux autres mais jamais à soi. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. Quand tout est gris, quand tout va mal, quand la frustration nous tiraille, on en veut aux autres mais jamais à soi. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. Je suis devenu un gros con, aigri et méchant. Quand je sors dehors, je mets sa tête et cherche des dents. Je communique, plus je parle, plus je n'aime plus. Mes relations humaines résument à coups de pied dans le cul. Mes congénères me stressent. Aucun de m'intéresse. Alors je reste les problèmes si je m'aime pas. Je voudrais être un autre mais j'ai peur de franchir le pas. C'est pas possible de faire autrement. J'aime pas ta gueule, ta face, j'aime pas les gens. Les gamins capricieux, les commerçants prétentieux. Les types accros, sapés au bolide, c'est piteux. Je hais les footballeurs, ils gagnent trop de thunes. Comme ceux qui vont au pif pour mettre leur bulletin dans les urnes. De même pour les acteurs à la con, plus belle la vie. Que dire de tous ceux qui regardent la série. Quand tout est gris, quand tout va mal, quand la frustration nous tiraille, on en fait aux autres mais jamais à soi. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. Quand tout est gris, quand tout va mal, quand la frustration nous tiraille, on en fait aux autres mais jamais à soi. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. J'aime pas mon ex parce que je l'aime trop, ni la nouvelle parce que c'est pas mon ex. J'aime pas les gens qui me disent que je suis gros. Je suis pas susceptible mais c'est clair comme ça me vexe. J'aime pas les nantis, les pinces et les gentils, les casques du dimanche et les trous ducs du samedi. Et puis tous ces connards qui font Paris-Dakar, qui pourrissent le tiers-monde avec leurs caisses et leurs camtars. J'aime pas mes voisins, ils me saoulent avec leurs chiens. J'aime pas les pervenches, les huissiers, putain ça vaut rien. Je peux pas blairer les mecs dans leur voiture avec leurs gilets jaunes sur leur siège, c'est trop dur. Impossible de me contrôler. Quand je croise quelqu'un, je sens que je vais le taper. Mais bordel, barrez-vous, surtout les filtres tendus. Ça me rend fou quand tout est gris, quand tout va mal, quand la frustration nous tiraille. On en veut aux autres, mais jamais à soi. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. Quand tout est gris, quand tout va mal, quand la frustration nous tiraille. On en veut aux autres, mais jamais à soi. J'aime pas les gens, non, j'aime pas. Danou, qu'est-ce que t'es aigri en ce moment, c'est chiant. Calme-toi. Et puis j'aime pas les racistes qui sont devenus sarcosistes, qui en font des caisses pour prouver qu'ils existent. Les meufs qui se rendent en train sous n'importe quelle série, qui se mettent de la vie des autres parce que la leur est pourrie. J'aime pas les présentateurs stars du petit écran et leur public réduit à faire des applaudissements tout le temps, constamment, pour n'importe quoi. J'aime pas les journalistes qui veulent leur place dans la cour du roi. En voiture, tu croises les pires phénomènes, qui te klaxonnent alors que le feu est vert, plus de dixième de seconde, où les connards qui te crient dans les bouchons pour gagner deux minutes et rentrer vite à la maison. J'aime pas les gens heureux, les couples amoureux, ça fait des boutons, tout ce qui est mièvre et mielleux. Pourtant j'ai besoin des autres pour penser comme ça. Mais y'a pas de parti et clairement je vous aime pas. Compris? j'aime bien les gens, mais bon. Ouais, arrête. C'est bon, ça dépend. Après. Ça dépend. Oh, on va se faire un petit morceau de Jump Up, hein. J'ai. Regarde qui n'aime pas les gens. Il y a aussi Requiem qui vient d'arriver dans le studio. Chris Cross, de façon. Viens dire bonjour quand même. Allez, viens dire bonjour. Viens dire un petit mot. Tu vas participer à l'album toi aussi, merde. Bonjour, public. Ouais, te fais le croate. Non, plus tard. D'accord. Les fans de Requiem se régalent. On se fait un petit jump up. Comme ils disent les jeunes. Il va falloir sauter. Allez, dans le studio. Allez, Saint-Etienne, radio stéphanoise, la norme de Dieu. Où c'est vos murs? Le garçon s'appelle Père Aspirol. Arvoideur. Faut y aller, là. Servez-moi un rhum, là. Je fais du rhum, quoi. Moi, je fais du rhum, les gars. Tout le monde me regarde déshabillé, tout ça, ça m'énerve. Passe le microphone afin que l'impro sonne. Dim si je les moissonne sur le beat que je façonne. Blau. Et quand y'a la douille rouge, y'a pas de garba. Si tu vas pas à la gardère, le bossu viendra à toi. Avec don ça haute du son qui envoie du bois. Quelqu'un qui s'écoute pas. Pissi nous fit. Croûte d'arba, polémique, victor. On cherche pas la victoire, on kiffe pas David Port. On veut juste voir. J'ai beau sauter comme des piles dans la giboulée. Appelle tous tes potes dans ton coin. On va débouler. On va démouler, décoller les tympans de la tronche. Rappose-toi des anciens titres de faire souffler dans les. Raval de 4 à 42 sur les gens trop sérieux. Nous on kiffe les balabeux qui gueulent comme des veaux. Oh oh sur le son. Alors maintenant c'est qui part comme la trappe du même nom. Part en spirale, part en lacet bien. L'objectif de la manœuvre, ne pensez à rien. Laisse ton cerveau de côté, tu le récupères demain. Allez flexion, extension, tu sautes comme un lâche rien. Part en spirale, part en lacet bien. L'objectif de la manœuvre, ne pensez à rien. Laisse ton cerveau de côté, tu le récupères demain. Flexion, extension, tu sautes comme un lâche rien. Les mises au point s'imposent pour fixer les règles du jeu. L'objectif primordial, c'est faire de son mieux. Grand petit moche ou beau, vieux au prépubère. L'essentiel c'est de sauter haut, sans renverser sa bière. Les personnes sont géopards, va falloir en décoller. L'antigel c'est peinard, mais faut bien l'éliminer. Pour ceux qui sont en rythme, relâcher la pression. On demande ça mener, mec. Pour remuer ton fion, y'en a qui mentent dans le drague. Qui n'arrivent pas à se mettre dans le bain. Vas-y envoie une passe bien lourde, pour motiver les plus sceptiques. Mais comme triste qui sentent pas bien, faites comme Laurie, pensez à rien. Vous allez voir, ça ne mange pas de pas d'être un instant de rasthénique. T'es critique, tac, tac, malheur, t'as pas rendez-vous. Dites-vous, tu succubes comme nous, benga. Pour notre guichet de son, pas besoin de carte. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu pars. Mec, tu pars. Pars en spirale, pars en lacet bien. L'objectif de la manœuvre, ne pensez à rien. Laisse ton cerveau de côté, tu le récupères à main. Flexion, extension, comme un lâche rien. Pars en spirale, pars en lacet bien. L'objectif de la manœuvre, ne pensez à rien. Laisse ton cerveau de côté, tu le récupères à main. Flexion, extension, tu sautes comme un lâche rien. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. En live, c'est bien. Dans l'U du cyclone, les clowns se prennent et claquent au max. C'est clair que c'est sûr que les quatre héros sont là. Qui quitte fille le déclic, les alcoolos se retrouvent en clone. La jarre qui du pic à la classe de 4 du tort du 4 de clan. Et leur son qui fait de la colique. A-N-A-M-C, bout de charbon et un style à l'ancienne. Red, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. La Roumanie à 3h de Paris, bienvenue à Saint-Etienne. C'est Rick Raco, NP, pas Mimi, mais le Mimi, mais le Mimi. Maison Mike, il est Mimi, mais le Mimi. Tous les Mimi, mais le Mimi. T'es mal ton pis, bébé, bébé, on dirait que le red pis, bébé, va pas t'aider à te relever, on sait bien quoi t'es capable. Mon truc c'est de filer le track, ma tactique, quand que les big pack Mike. Tu défiles ton confort quand je claque ta poc, tu finis ton frac, ton spike. Serre le bien sur ta casquette vissée. Red bong, un peu d'oxygène dans un nerf vicié. Part en spirale, part en lève, c'est bien. L'objectif de la manœuvre, ne penser à rien. Laisse ton cerveau de côté, tu le récupères à main. Flexion, extension, tu sautes comme un lâche rien. Part en spirale, part en lève, c'est bien. L'objectif de la manœuvre, ne penser. Laisse ton cerveau de côté, tu le récupères à main. Allez, flexion, extension, tu sautes comme un lâche rien. Jump, jump, jump. Allez, chez toi tu sautes, chez toi tu sautes. Jump, jump, jump. part. Allez, buzz au Smoking Duck, tu sautes. Quelle ambiance! Mais voilà qui est fait! Ouh! Ouais. Ouais. Ah! Ouh! Est-ce que ça va, Saint-Étienne? Ouais! Je vous entends pas, Saint-Étienne! Ouais! Il y a une de ces bandes d'alcoolos dans le studio, là, laisse tomber. Ouais, vous avez vu, c'est improvisé, hein, ça s'appelle du direct. Ouais, yes. Alors, vous allez passer donc, vous allez passer des coups de fil pour demander le prochain morceau. Je vous rappelle les numéros. Et nous allons enchaîner pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais ? Enchaîner avec Calèche, bien sûr. Les amateurs. Suis de Redemption Bong. Allez, le morceau s'appelle Con. Je vous rappelle qu'il y a un clip sur notre MySpace sur ce morceau. Ils sont contre moi. Ma vie et ma foi, je préfère suivre mes convictions. Et même si parfois je ne rentre pas dans le moule de l'envie toute tracée. Pas d'enfant, pas de crédit, pour la battre la voiture et le canapé. Ils sont en contre, envers et contre tout. Refusent le partage omnibulé par leurs sous. Ils préfèrent dire non, d'entrée de jeu c'est sûr. Le dialogue est rompu quand on s'adresse à un mur. Ils sont contre, sans avoir plus de thunes. Ou du pouvoir d'achat, ils en vont chier dans les urnes. Vote pour le plus conquis, le plus contre tout. C'est parti pour 50 de consensus. Ils sont contre, car ils ne sont plus pour leur propre conviction. Car ils ne ressentent plus d'amour envers les faibles. Juste de la crainte, juste de la méfiance. Face à ceux qu'ils nomment la défiance, ils sont contre la solidarité. Ils ne voient que leur nombril. Pourquoi raquer pour les pauvres quand on voit le prix du baril? Ils sont contre l'ouverture des frontières, mais ne sont pas racistes. Ils sont contre les clandestins et suspectent les mariages. Ils sont contre différents de leur foi, de leur couleur de peau, leur accent. Mais font péter le champagne et s'extasie en chantant. Quand les fils immigrés ramènent la coupe sur les champs, ils sont contre les grèves. Appel au déblocage des facs, des gares, libérer les otages. Crash en Bergogne sur les droits fondamentaux. Ils se pendent crassant mais dénoncent les régimes spéciaux. Ils sont contre l'athéisme, ils trouvent ça lamentable. Ils aiment les bonnes manières, les bénédicités à table. Ils vont à l'église chaque semaine, croient au péché originel. Ce qui explique parfois pourquoi ils la frappent. Elle qui est contre une femme présidente et vote comme son âme et son bulletin dans la fiente. Chacun à sa place, c'est ce qu'elle pense. Car la routine, c'est le mec au charbon et la meuf à la cuisine. Ils sont contre réduire leur consommation d'énergie. Ils réfutent le réchauffement sans savoir ce dont il s'agit. Eh ouais, en vrai, ils sont contre moi. Ils sont contre moi. Ils sont contre moi. Ils sont contre moi. Contre moi, ils sont contre moi, ouais. Ils sont contre moi. Ils votent pour Star Academy. Ils sont contre moi. Ils écoutent Carla Bruni. Ils sont contre moi. Ils vont bien bienvenue chez les ch'tis. Ils sont contre moi, donc j'espère qu'ils sont ils contre sont toi. Ils sont contre moi. Ce n'est pas la paranoïa. Ils me filment, m'observent avec leur putain de caméra. Ils veulent tout contrôler, une solution nous faire peur. Une fois les médias dans la page, il est facile d'instaurer la terreur. Ils sont contre les jeunes parce qu'ils sont des vieux cons. De gauche, ils ont raté leur vie. De droite, ils l'ont réussi. Ils sont aigris, frustrés, remplis de désillusions. Plus jamais pour mes pourris, en beau mépris dans l'ennui. Ils sont contre la laïcité, préfèrent les mots, la décité. Les prêtres propres, même déprimés, les intégristes ont modéré. Ratés de l'obscurantisme, ces illuminés persistent, allier l'évolution avec leur thèse. Ils sont contre l'athéisme, ils trouvent ça lamentable. Ils aiment les bonnes manières, les bénédicités à table. Ils vont à l'église chaque semaine, croient au péché originel. Ce qui explique parfois pourquoi ils la frappent. Elle qui est contre une femme présidente et vote comme son âme et son bulletin dans la viande. Chacun à sa place, c'est ce qu'elle pense. Car la routine, c'est le mec au charbon et la meuf à la cuisine. Ils sont contre réduire leur consommation d'énergie. Ils réfutent le réchauffement sans savoir ce dont il s'agit. Leurs enfants mourront brûlés ou noyés, c'est selon, ils sortent le grenaille pour le grenelle, c'est leur solution. Ils sont contre les vieux parce qu'ils sont jeunes et débiles. Suivent leur mode de merde, l'essentiel avoir du style. Ils réfutent les conseils, les anciens eux ont tout faux. Ils n'ont même pas de Facebook, ils mangent jamais au McDo. Ils sont contre le fait que l'on dise qu'on est contre. Ils détestent l'idée d'être contredit. Mais par contre, ils refusent les concessions. Toute forme de réclamation. La rébellion du fort à l'indice de consommation. Son compte toute culture qui ne sent pas leur fromage. Le temps ne fait rien à l'affaire, on ne s'arrange pas avec l'âge. Quand on est contre les grands, le pas sur l'envie. Ils ne sont pas les cons, mais désormais ils comprennent leur vie. Ils trouvent des homos obscènes, leur refusent l'adoption. Qu'ils prennent donc un chien, voici leur meilleure option. Ils ont tout refoulé jusqu'au plus vil de leur fantasme. Mais ils rêvent de charnel, d'érotisme, trop d'espace. Ils sont contre les rares choses que j'aime dans ce pays. Ils rêvent d'uniforme à l'école, ils prônent le treillis. Ils sont polis car policés, je ne les aime pas. Ils sont français, ouais, et ils sont contre moi. Et je rêve qu'ils soient contre toi. Et je rêve qu'ils soient contre toi. Peut-être bien contre toi aussi, fidèle auditeur de Radio Duo. Bande d'Auvergnats. Merci. Ouh. Alors, il y a quelqu'un qui a appelé, Dimitri, ça? Ouais, il y a quelqu'un qui a appelé, non, il a demandé insectivore. Mais c'est drôle, qui demandait quoi? Insectivore. Insectivore, merde. Il la connaît bon, plus. Bah, on est obligé de le faire, du coup, c'est il sûr. Il la connaît ah, plus. Bah, ouais. Allez, on va essayer de le faire. Qui c'est qui a appelé? T'as retenu le nom tout ça? Il a pas laissé son nom. Ah. Mais c'était. Oh bah merci. Il avait l'air d'un jeune homme. C'est on parle beaucoup trop de ma mère aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Merci Yvette. Désolé Yvette. Pardon. Alors pour toi Yvette, insectivore. Ouais ouais. Attends, vas-y Fab, retourne les pattes. On est franchement, gâteau. On est bien. Ça fait zizir. On est à la zombie quoi. Ça fait zizir. C'est le terre-terre. On va faire un morceau qui nous a, qui a beaucoup fait parler de nous au début. 2002, quand on était 2003, au début sur le terre-terre, tu vois, qu'on n'était pas arrivé au niveau des Beatles comme maintenant. 2005. Ça s'appelait Insectivore. Ouah, ouah. Toi-même, tu sais que c'est comme ça et pas autrement. Morceau qui nous fait, qui nous a fait faire plein d'amis. Ouah, ouais. On débute le morceau comme ça si on veut, y'a pas de soucis, c'est pas grave. C-A-F-A-R-T, les rappeurs variés net, comment ça m'emmerder? Tu prends pour un vrai métasique, c'est un merdé. Ton hip-hop pourri, ben mec, tu peux te le garder. Why? Attends deux minutes que je t'explique. Y'a 15 ans, le rap était rythmique, mélodique. Ouais, mais maintenant, c'est rien d'autre qui me pompe à fric, éthylique. Un hic, ta contestation est inique. Ouais, ouais, y'a, toi-même t'as vu. Ouais, ouais, j'ai bien vu que tu rappes comme un trou du cul. Ouais. As-tu vu, j'ai pourvu de rime que t'avais pas prévu. T'as vécu, je tire la chasse, plus d'accu, t'es vaincu. Tous les mêmes arts, suite, foubou, casquette, fila. Nouvelle homme sans but, une petite pute dans cette villa. Quand y est, décroche un contrat plus pour Coca-Cola. En plus de ça, t'es plus intolérant qu'un ayatollah. Tes rêves, Chinjo's, Bissim, Plum Beach. T'es Laurent Soulibier, Dolimier, Bankiewicz. Tu triches, tu veux que je te fasse le pitch, t'es kitsch. Et l'homophobie, mytho, résumé, c'est bien ton speech. Alors j'aime pas qu'on me confonde avec toi. Catégorie bêtise, t'es le héros, non risque au tac. Je t'écrase sans remords, car je suis l'insectivore. Je largue des bombes de bombes insecticides, psh, t'es mort. Contre les cafards comme lui qui font. Ouais, ouais. Comme tu sais que c'est comme ça et pas trop mort. Je représente mon crew et mes caïras, t'as vu? Représente. Arrête. Y'a le bégon, bon gros, j'ai un sec, tu vas au mec, je dévore. Les connards dans ton jar, j'ai ta porte. Un sec, tu vas au mec, je dévore. Ailleurs, t'es fort, devant moi, t'es mort. Un sec, tu vas au mec, je dévore. Les connards dans ton jar, j'ai un sec, tu vas au mec, je dévore. Ailleurs, t'es fort, devant moi, t'es mort. Excuse-moi, qui es-tu? Tu viens d'arriver dans le studio, mais on est venu délivrer un message positif pour tout le massif qui kiffe la dance, son de man. Mais on peut tout le body boy la dance, son de man. Parce qu'on est bien retourné, mais on brûle tous les homos. Ça c'est good vibes, c'est bon, c'est good vibes. C'est ma faille, un real autre d'une prise select à ma faille, un peu de racine, comment? Qui est cette personne? Wicked, wicked, wicked! Right! Rouillé, ça va douiller, les ragamans vachos commencent à me chatouiller. Je les mitraillais, puis les noyais. T'es trop démago, tu peux aller trapiller. Car j'en peux plus de toi, et t'es l'autre du reggae, non merci, du coup je serai sans merci. Quand j'avais une souris, moi je te snap dans mon service. Les arbis, je crois que je développe l'arachnophobie. J'aime pas ton sous-système anti-batibaille. J'ai des envies de tirer dans la glotte comme un samouraï. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Allez, Selecta, hop, platine, tu batailles. Taille-toi vite. Avec tes fringues moches en chambre, je te mets deux claques et je te consigne dans ta chambre. Dis-moi, c'est à cause de l'hygiène ou de la bouffe vitale que t'as une gueule de con? Méchante haleine de cheval. Tiens, toi aussi, y'a ton style de zi qui t'intéresse. D'esprit, quelle largesse! Tu marches au délit faciès contre les petits pets qui font Bonne Babylone. Bouge, j'ai la solution du bacon vert jaune rouge contre les migales qui font Cha, rock for a while. Arrête, arrête. Mais arrête, t'es blanc. Y'a le bacon bon rouge et un steak. Des connards dans ton jar, tes apports, tu grimes un sec. Tu vas au mic, tu débarres ailleurs, t'es fort devant moi, t'es mort, tu grimes un sec. Tu vas au mic, tu débarres. Les connards dans ton jar, tes apports, tu grimes un sec. Tu vas au mic, tu débarres ailleurs, t'es fort devant moi, t'es mort. Man, arrête, allez. Virez-moi ce mec du studio, c'est chiant. Vas-y, Fab, envoie un autre truc. Arrête. Ah bah voilà. Tu lui donnes un cachet, voilà, c'est parti. Et merde! Il a amené tous les trableurs avec lui, c'est la merde. Plus de passe, plus de scud, que je chope les lasers. Et plus de mauvaise dope, que je me mets bien à l'envers. Arraché terre, quand la grosse guest stop, je suis trop vénère. Garde de la bonne vie free party, moi je suis le cancer, c'est clair. C'est sûr, toi t'as rien compris. En fait, ben tu viens là parce que c'est gratuit. Dès que les cons des boules, toi t'es déjà parti. Tu t'en bats les couilles, c'est pas ton son qu'on saisit, tu saisis. Et oui, grosse plat, je t'aime pas non plus. Prince parce que t'es chez père, deux, parce que t'es tordu. Tu dis à fond de tech, mais techniquement t'es tordu. Et à la merde, mardi, merde, tordu. Pourquoi? C'est. Je demande à toi. Il y a trop de chépères. Trop de chépères dans la boîte. Contre les petites blattes qui font. Allez. Oh merde. Ouais, arrête. Arrête. Amenez-moi un bacon pour gros. Ça porte le nom. Oh là là. Allez, vas-y, dis-le. Les affaires, c'est qui va au mic, je débarque. On a dans ton jar des apports, rien. C'est qui va au mic, je débarque. Ailleurs, t'es fort devant moi, des morts, mais qu'est-ce qu'un. Sec, qui va au mic, je débarque. Les connards dans ton jar, j'ai apports, fort. Sec, qui va au mic, je débarque. Ailleurs, t'es fort devant moi, t'es mort, mais qu'est-ce qu'un. Sec, qui va au mic, je débarque. Les connards dans ton jar, j'oublie mes ailes. Sec, qui va au mic, je te débarque. T'es fort devant moi. Devant moi t'es. Ah oui, devant moi t'es mort. Putain, je me rappelle plus de mes textes. Horrible. Désolé pour l'auditeur qui a appelé, t'as vu, on a vendangé le morceau. C'était bien. C'était ventré devant à peu près 3 millions d'auditeurs. 3 millions et demi. Et demi, et demi. Qu'est-ce qu'on fait, dis-moi. Il nous reste 3 minutes avant que Don Charlton prenne les platines. Continue, ouais, on continue. Qu'est-ce qu'il dit, Don Charlton, d'ailleurs, ça va? Hein? Y'a pas de gars qui veut faire de freestyle. Y'a Requiem. Il a envie de se faire un Lost My Way pour finir. Il y a Kiki qui vient, il y a KDI qui vient. Allez, et puis c'est comme ça qu'on va vous quitter. On va en tout cas vachement remercier Radio Dio parce que... Ouais, déjà, ouais. On va déjà beaucoup remercier Radio Dio de nous avoir invités toute la journée parce qu'on est quand même là depuis midi. Hein, c'est peut-être pour ça, Crayon. Non. C'est aussi, c'est un peu pour ça. Commence par mentir. On fait pas que bosser non plus. Commence par mentir. Vous êtes arrivé, il était midi et demi. Attention. On va dédier ce morceau à Jean S d'ailleurs. Lost My Way, c'est bien un bon morceau à dédier à Jean S. Respecte les hautes scènes, frère. Jean S, franchement, respect. Tu as toute notre amitié. Et surtout son daron. La famille. Brissage. Auvergne. 6-3. Allez, Jojo. Allez, faites encore un peu de bruit pour faire croire qu'on avait du monde dans le studio. Ça s'appelle les effets spéciaux. Lost my way. si je reste assis et puis j'observe se dérouler la vie des oiseaux qui par une minerve qui me contient. Le bloc me paralyse, mes troncs m'obligent à détourner mon regard, me purifier comme sous calice. J'ai peur, je souffre sans ambition aucune. Mon travail, un match, je veux juste engranger quelques thunes. De job, un job s'éloigne doucement, ma voix, l'envie des patrons avec qui je baisse la tête et puis je suis. Allez, tous et dans le mouvement. J'achète, j'agurgite ma boulimie, soulage mes plaies. Réveil, pointé, boulot pointé, télé. Ces cinq phases sont les seules qui façonnent ma réalité. J'aurais voulu, si j'avais su, tu serais pas venu rien à faire pour bouger ton cul. Plan de carrière n'intègre pas mon vocabulaire. Travera sera gravé pour moi dans un cimetière. Le vide s'accroît d'un côté le réel, de l'autre le spectre du paradis artificiel. Ils passent sans cesse leur temps à nous gaver d'images, nous montrer tout ce qu'on manque, tout ce qu'on loupe. J'ai la rage, je comble ma rancœur par la défonce, la picole. Goûter au plaisir, oublier, je m'envole. L'abandon est total, le bonheur trouve dans ma tête ma morphine, c'est le rêve, espéré ma défaite. À quoi pour lutter, tenter ou entreprendre. Je connais la fin du film, un tas de fleurs, un tas de cendres. J'étouffe, je suis fuck, perdu dans mon époque. J'ai loupé le départ, scotché dans les starting blocks. Faire la vie que je mène dans mes pensées. Sentiment d'existence dans l'illusion, je l'ai trouvé. Vive par procuration me coupe la nausée. Rêver les yeux ouverts est ma seule façon d'exister. Faire la vie que je mène dans mes pensées. Sentiment d'existence dans l'illusion, je l'ai trouvé. Vive par procuration me coupe la nausée. Rêver les yeux ouverts est ma seule façon d'exister. Bah c'est pas mal, Danou, tu te démerdes pas mal toi en rap. T'es bon toi. Red Pong. Je connais par cœur mon code perso aux acétiques. Pointer chaque débile mort et ma contribution civique. Le hic, c'est qu'au boulot je végète. J'ai du mal à trouver la motivation entière. On fait pas l'aide intérimaire au travail comme dans la réalité. La retraite à 100 ans, c'est pour nous qui l'ont créé. Des illusions, j'accepte de vivre dans une bulle. Ma tête est faire face opposition à leurs souhaits, à leur face, leurs envies et leurs pognons. Des illusions, j'accepte de vivre dans une bulle. Ma tête est faire face opposition à leurs souhaits, à leur face, leurs envies et leurs pognons. Alors j'accumule période de stage sur canapé. Trop pauvre pour faire soigner mon psy, c'est le shit et ma télé. Je zappe, zappe, zappe, fais le vide dans ma tête. Je tirerai sur mes espoirs, mes ambitions, mes requêtes. Rien à foutre, seules mes idées embellissent ma vie. La réalité, je la laisse au trou du cul qui ont envie. Trop pressé, trop écrit, égoïste et trop pourri. Ils veulent du confort, du droit, passe pour la fantaisie. Ils nous parquent, marquent et nous poursuivent comme des parcs. Préfère que l'on reste chez nous, le vodomiser dans nos baraques. Réfléchir, penser pas utile pour la France en bas. Qu'ils paient bien leurs impôts pour leur bonheur, on verra. Ils vont pas saouler tous ces clandeurs de chômeurs. On va tout pas leur filer le beurre et l'argent du beurre. Ok, crache-toi la gueule, y'a pas de problème. Garde ton costard, ton fric, ton compte en Suisse et ta BM. Perso, me contenterai de rêver et de faire le mort. Comme on sait qu'un héros, toi qui t'en fous, on est d'accord. Faire la vie que je mène dans mes pensées. Sentiment d'existence dans l'illusion, je l'ai trouvé. Dis pas procuration, me coupe la nausée. Rêver les yeux ouverts et ma seule façon d'exister. Faire la vie que je mène dans mes pensées. Sentiment d'existence dans l'illusion, je l'ai trouvé. Dis pas procuration, me coupe la nausée. Rêver les yeux ouverts et ma seule façon d'exister. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, one, one, one, one. Allez, merci tout le monde, c'était Red Pong. L'album s'appelle Divisé pour mieux régner, il y a du monde dessus. Filou Faz, Warwick, EQM, Soul Jazz, Mélanie Robert, Jojo, il y a même le père d'Anou à la laver. Spécial touch à Alain. Il y a aussi les scratch de leg, les guitares de Pink de Nos Indenos. Les cuivres de Gagalino. Red, Merci à Radio Dio. Merci à Soul Jazz pour toute la journée. À tous ceux qui sont passés au micro toute la journée. Les techniciens Pierre, Fred, Olive, Seb, le réalisateur du court-métrage. Red Bonga. Dédicace à Cabot qui a payé la communication. Il n'y a que les vrais qui savent. Dédicace à la ville. Tout de suite, Don Charlton. Fais du bruit pour Don Charlton. Yes. C'était le groupe Red Bong. On vous l'avait dit, un vivant en direct. Merci à vous, merci, vraiment. Merci à toi, mec.